23, observation, apparence et réalité. Apparence. Vous avez l'air bien pessimiste. Réalité. Je ne suis pas pessimiste du tout. Madame Courtois a l'accent portugais? Pourtant, elle n'est pas portugaise.